Vous écoutez la radio Isanganiro. Bonjour et bienvenue à ce grand rendez-vous de la mi-journée. Tout d'abord, la charpente de ce journal. Le titulaire du centre de santé de Maramvia de la province Rumonge est accusé par les habitants de cette localité qui leur est demandé le récépissé d'inscription à l'enrôlement pour se faire soigner, alors que le ministre de l'Intérieur dit que personne n'a le droit d'obliger quiconque à se faire enrôler par force. Une femme de Mouyira est à la recherche d'un de ses fils. D'après les informations en sa possession, l'un d'eux serait au cachot de la police Mouyira, mais le chef de zone dit ne pas être au courant de cette situation. 500 détenus ont été relaxés à Ngozi en se référant à la grâce présidentielle du 1er janvier 2018. Ces décisions concernent plus de 2000 prisonniers sur le sol burundais. À Gitega, il se remarque une pénurie du carburant de type essence. Les propriétaires des stations indiquent que cela est dû au manque de devises. Le développement de ces titres, c'est dans quelques secondes. Les manettes sont tenues par Elie Kadogo. À la présentation, vous retrouvez Alida Ndaikeza. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore. Un délai de 10 jours à compter de ce jeudi a été accordé aux réfugiés congolais vivant irrégulièrement dans la ville de Rumonge de rentrer chez eux. Cela ressort d'un entretien que le Mwami Dubwari a eu avec le gouverneur de Rumonge ce jeudi. Suivez Kisesi Katamia, traduit par Placide Niomongere. Kuna wakimbizi wako hapa ambao il y a encore ici des réfugiés congolais irréguliers que le gouvernement burundais, via le gouverneur, a essayé de mobiliser pour qu'ils procèdent à un choix, soit d'aller au camp des réfugiés ou se rapatrier, ou encore ceux qui souhaitaient rester ici dans la ville pour qu'ils se conforment à la loi de demande d'asile. Pour ceux qui continuent à persister ici illégalement, une fois arrêtés, qui ne jettent pas le tort à quelqu'un. Je suis venu alors pour demander aux autorités pour que ces réfugiés puissent se rapatrier volontairement. Je me suis entretenu avec les autorités de ce pays, plus particulièrement avec le gouverneur de cette province. Il y a une rafle qui est prévue dans les ménages ici dans cette ville. Quiconque qui est congolais ou qui a préféré rassembler d'autres congolais pour qu'ils les abritent, lui aussi sera concerné par cette rafle. Il se verra rapatrié et je ne sais pas à qui il va jeter le tort. Donc, c'est le moment de se rapatrier. Le gouverneur de cette province m'a accordé un délai de 10 jours. D'ailleurs, moi, je vais demander 7 jours. Lui m'a acheté 3 jours. Donc, au total, ils ont 10 jours pour retourner à la maison. Celui qui sera pris après ce délai, ça lui engage. Ce sera une affaire entre lui et le gouvernement burundais en ce qui est rapport avec la violation de la loi de demande d'asile. C'était Kisesa Tamia, le roi Dubwari. Et en politique, les habitants qui fréquentent le centre de santé de Maramvia en commune Burambi de la province Rumonge doivent présenter un récépissé prouvant qu'ils se sont fait inscrire pour participer aux prochaines élections au Burundi pour être soignés. Ils accusent le titulaire du dit centre de santé de mettre en application une mesure annoncée publiquement ce mardi, ce qu'il nie catégoriquement. Jean-Pierre Misago. Des informations obtenues de certains habitants de Maramvia indiquent que le titulaire du centre de santé Maramvia exige depuis ce jeudi un récépissé prouvant qu'il s'est fait enrôler pour les élections prochaines au Burundi à tout patient avant de l'accueillir. Certains des victimes de cette mesure disent qu'ils ont dû emprunter ces récépissés pour être soignés ce jeudi, une mesure qu'ils jugent injuste dans la mesure où ils estiment que tout le monde n'est pas tenu à élire ou à se faire élire au moment où la période et au moment où la période d'enrôlement n'avait pas encore expiré. Habimana Kennedy, titulaire de ce centre de santé interrogé, rejette en bloc ces accusations avant de nous renvoyer à l'administration, arga qu'il est incompétent à s'exprimer sur les médias. Contacté à propos, Adelaide Nduimana, administrateur communal de Burambi, dit que les gens de Maramvia ne peuvent pas faire exception et se dérober à cette activité nationale. Elle indique avoir pris une mesure similaire à ceux qui cherchent ces services, à ceux qui qui cherche des services à la commune et à la question de savoir si cela restera en vigueur à toute personne pour une raison ou une autre qui ne se sera pas faite inscrire, Adélaïde Ndouimana répond qu'une amende sera exigée car une telle personne ne se sera rebellée à l'action gouvernementale. Jean-Pierre Misago de Kurumonge, Radio Isanganiro. Merci Misago pour cette correspondance. Et le ministre de l'Intérieur dit que personne ne soit pris en tenaille pour se faire inscrire aux élections d'électeurs, aux listes d'électeurs pour le référendum et les élections de 2020. Ce sont les conseils lancés par le ministre de l'Intérieur, je vous le disais, à l'endroit des administrateurs communaux et les responsables des commissions électorales indépendantes en province Bujumbura. Pascal Barandaguié invite cependant les femmes à répondre vivement à l'inscription. Suivez-le dans une traduction d'Elinibel Nibigira. Ce travail que nous sommes en train d'effectuer est très important. N'oubliez pas que ceux qui se font inscrire auront le droit de voter en 2020. Ceux qui comprennent mieux le savent. Si nous ne faisons pas ce travail correctement, nous aurons des difficultés en 2020. Ici, n'allez pas dire que le ministre a déclaré que nous passons maison par maison pour identifier celui qui ne s'est pas encore fait enrôler et le prendre de force. Il y a certains endroits où nous avons entendu que ceux qui se rendent au marché, leurs vélos ont été dégonflés sous prétexte qu'ils ne se sont pas fait inscrire. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut leur convaincre correctement qu'ils ne se contenteraient pas d'exercer ce qui lui est garanti par la loi à sa propre volonté. Il faut sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent répondre présentes à ce rendez-vous. Ce n'est pas pour le référendum seulement. Il faut leur expliquer que c'est à partir de cette inscription qu'elles vont pouvoir élire leurs dirigeants. L'avenir. 13h06 dans les studios de la radio Isanganiro, le journal continue. La démission de Jacob Zuma à la tête de l'Afrique du Sud a ses origines dans l'histoire lointaine. Le politologue burundais Zenon Ndayisenga, qui vit en Afrique du Sud, explique que tout a débuté avec l'élection en tant que président du parti ANC de Cyril Ramaphosa, qui était en compétition avec Dramini Zuma, ancienne épouse de Jacob Zuma. Mais encore pour le politologue burundais, le nouveau président sud-africain n'aura pas de facilité pour autant. Suivez Zenon Ndayisenga. La force et le pouvoir de Zuma a été totalement très diminué. Il n'avait aucun fort, car malgré toutes nos réalisations, c'était toujours le parti ANC qui le couvrait, et comme si c'est le même parti qui a décidé de lui obliger à démissionner, il n'avait qu'à le faire pour sauver son honneur et les profits des ex-présidents, tant que même la majorité parlementaire avait pris confiance en lui. Mais en tout cas, on se félicite de tous les deux côtés, de la discipline montrée par lui-même et le leader de son parti, très différent que s'il s'agissait dans les pays de notre région où la démocratie reste encore à un niveau très bas. Tenant compte de ma carrière politique en sciences politiques, même M. Ramaphosa aura, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Premièrement, il doit réunir le parti comblé de colère pour les pro-Zuma, mais aussi accuser de collaborer avec les Blancs, bien qu'il est capitaliste, ce qui continuera à fuir les riches et les pauvres à s'appauvrir. Un clin d'œil pour les présidents d'autres pays d'Afrique, et spécialement l'Afrique de l'Est, comme le président de l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Congo et ailleurs même au Guinée, en Afrique de l'Ouest, que cela soit une bonne leçon pour eux. Ce qui est très essentiel, c'est de combattre pour les intérêts du pays et pas pour les intérêts individuels. Zuma avait beaucoup d'influence pour mettre le pays en péril, soit en utilisant les leaders de l'ANC, ou même encore en incitant aux membres de son équipe des Zoulous qui sont majoritaires à refuser cette décision. Mais il a jugé bon de montrer qu'il est très patriote et souhaiter la paix pour son pays en partant librement. C'était Zenon Ndayisenga, politologue burundais vivant en Afrique du Sud. Une femme adulte ressortissante de la zone Muyira en commune Kanyosha, nous sommes dans la province de Bujumbura, demande la lumière sur l'arrestation de ses deux fils jumeaux dans la nuit de dimanche, dont un reste sans trace. C'est au moment où l'autre est détenu au cachot de la police à Mouira. Pélagine Di Milignoni, la mère de ces deux garçons, demande qu'ils soient traduits en justice s'ils sont poursuivis pour crime et si tel n'est pas le cas, qu'ils soient libérés. Le chef de zone Mouira, Gédéon Mitababouma, indique n'avoir pas encore été mis au courant de cette situation. Évariste Ndikobanyanga nous en dit plus. Les deux jumeaux, Jean-Baptiste Bukuru et Eric Ibutoi, de la colline Kivuye, ce sont ces deux garçons arrêtés chez eux dans la nuit de dimanche, aux environs de 23 heures, par un groupe de gens dirigé par le surnommé Nzungu de la même localité, indique leur maman. C'est le surnommé Nzungu qui les a arrêtés chez eux. Mon fils le confirme que c'est bien lui. Mon fils m'a dit qu'il leur disait que lui et son frère jumel allaient l'aider à accueillir son visiteur. Ils n'ont pas vu ce visiteur et l'affaire a pris une autre tournure. Pélagine Di Milignoni, la mère de ses deux jumeaux, dit avoir trouvé où le premier est détenu, mais que le deuxième est toujours sans trace. Cette cinquantenaire indique que les autorités n'ont rien fait pour que ses jumeaux soient rétablis dans leurs droits. Elle ajoute que son fils est détenu au cachot de la police à Mouira, a mis au courant de sa situation le chef de zone Mouira, mais en vain. Mon fils m'a dit avoir mis au courant de sa situation le chef de zone Mouira, Gédéon Mitababouma. Il aurait répondu que lui et son frère jumel sont des criminels. Mon fils m'a dit également que cet administratif aurait ajouté que son Zungu qui les a arrêtés est bien connu. Je vous jure que mes enfants ne sont pas des voleurs. Le chef de zone Mouira, joint au téléphone, et préfère ne rien dire à ce sujet. Gédéon Mitababouma fait savoir que personne ne l'a mis au courant de cette affaire. Pélagie Di Milignoni demande que ses deux jumeaux soient traduits en justice s'ils sont fautifs. Dans le cas contraire, qu'ils soient relâchés et jouirent de leur liberté comme tant d'autres Burundais. Merci Évariste pour ce reportage. Et aucune station n'est en possession du carburant de type essence dans la province de Gitega. La situation se trouve ainsi alors qu'il y a 4 jours que ces stations sont relayées dans la distribution de ce produit. Les propriétaires de stations indiquent que c'est dû à la rareté des devises qui se remarquent dans ce pays. Au moment où le ministre ayant l'énergie dans ses attributions avait indiqué que cette pénurie est due à la nouvelle réforme fiscale que la Tanzanie, pays où transite ce produit, est en train de mettre en place. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Si vous êtes à Bujumbura, vous nous captez sur 89.7. Plus de 4 millions de Burundais se sont déjà fait enrôler à travers le pays depuis le début de cette activité. L'annonce est du président de la Commission électorale nationale indépendante ce vendredi lors d'une conférence de presse. Pierre Claver Ndaïchalié a dit que ce travail d'enrôlement comptant pour le référendum et les élections de 2020 va se clôturer ce samedi et qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire. On l'écoute. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a déclaré que le travail d'enrôlement des électeurs se clôture ce samedi à 17h30. Pierre Claver Ndaïchalié a tenu à préciser qu'il n'y aura pas un délai supplémentaire. Cela étant, de longues chaînes de personnes à la recherche des cartes d'identité se font toujours remarquer devant certains bureaux des zones et des communes. Pour le président de la CENI, la faute n'est pas la leur. Nous sommes le 16 février 2018. La clôture de l'enrôlement est prévue le samedi 17 février 2018 à 17h30. Comment penser chercher la carte nationale d'identité quand on est citoyen, quand on est citoyenne, la veille de la clôture de l'enrôlement? Est-ce que la faute est à la CENI ou aux citoyens qui, normalement, doit posséder la CENI, la carte nationale d'identité, comme pièce d'identification de la citoyenneté? Posez plutôt la question à ces personnes qui n'ont pas la carte nationale d'identité. Merci. Selon la projection de la population électorale, un effectif de plus ou moins 4 400 000 est attendu. Sur ce, 4 millions et 100 électeurs se sont déjà fait enrôler. Le total des chiffres que je viens de vous donner fait exactement 4 105 481 inscrits. Ce chiffre est très intéressant à la veille de la clôture de l'enrôlement. Ce chiffre est intéressant pourquoi ? Parce que, comme nous vous l'avons annoncé lors du point de presse antérieur, nous avons dit que la population électrice attendue en 2020, notre projection, c'est 4 452 679 personnes à inscrire. Le travail d'enrôlement se poursuit aussi dans les ambassades et consulats. Selon la CENI, plus de 2600 Burundais vivant à l'étranger s'étaient déjà fait inscrire ce mercredi. Merci Aubin pour ces précisions et continuons ce journal en nous rendant dans la province de Ngozi. Il y a eu lancement officiel ce vendredi à la prison pour hommes d'Ngozi de l'exécution de la grâce présidentielle du 1er janvier 2018 par le procureur général de la République, délégué du ministère de la Justice. À cette occasion, plus de 500 détenus, majoritairement des hommes, ont été relaxés à Ngozi. Au total, dans tout le pays, c'est plus de 2000 prisonniers qui sont concernés par cette grâce présidentielle. Apollinaire Muzagara. 430 détenus de la prison pour hommes de Ngozi et 66 femmes détenues à la prison pour femmes de Ngozi ont bénéficié de cette grâce présidentielle ce vendredi à travers des discours prononcés par différentes autorités, des conseils allant dans le sens d'adopter des comportements ne leur permettant pas de retourner à la prison leur ont été produits. Les prisonniers ont l'accès, ont remercié le président de la République pour cette grâce leur accordée, promettant ainsi de suivre les conseils donnés. Conseil reçu depuis jeudi par l'association Navarisa de défense des droits des prisonniers. Cette dernière a promis même le transport jusqu'au chef-lieu des communes. Ces prisonniers relâchés qui n'ont pas de moyens d'arriver chez eux. Le procureur général de la République a indiqué que cette activité va se poursuivre dans tout le pays où environ 2000 prisonniers seront touchés par cette grâce du président. Vous saurez qu'il reste 1270 prisonniers à la prison pour hommes d'Ngozi et 91 à celle des femmes de cette province d'Ngozi. Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Des brèves en international pour terminer ce journal. La ministre des Sports française, Laura Flessel, est arrivée ce 15 février soir à Kigali, au Rwanda, dont elle repartira le 18 février. Au mois de janvier, l'ancien président français Nicolas Sarkozy s'était déjà rendu dans le pays lors d'une visite axée sur les affaires. Comme l'écrit le site de la Radio France Internationale, même si le programme de la ministre est tourné essentiellement vers le sport, on peut y voir un début de réchauffement des relations diplomatiques. En Afrique du Sud, l'archevêque Desmond Tutu, lauréat du prix Nobel de la paix, a mis fin à ses relations avec Oxfam en raison du scandale sexuel dont fait l'objet cette organisation non gouvernementale. Il renonce à son rôle d'ambassadeur de l'ONG et devient la troisième personnalité à annoncer sa séparation avec l'organisation. Comme l'écrit BBC Afrique, l'archevêque se dit être profondément déçu par les allégations mettant en cause des travailleurs humanitaires de l'ONG. À titre de rappel, des employés d'Oxfam ont fait l'objet d'une enquête pour avoir eu des rapports sexuels avec des enfants en Haïti en 2011 et au Tchad en 2006. Oxfam a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête sur les accusations de pédophilie dont elle fait l'objet. Et c'est par ici que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.